l'étranger. Trouve-toi un interprète, laisse-toi guider par celui qui t'invite à la découverte. Paraît-il, c'est chez les autres que l'herbe est plus verte. Sur cette planète, imagine que les styles sont le pays, et donc que les langues sont différentes, les coutumes aussi. L'avantage de la musique, c'est qu'elle est universelle. Les do, ré, mi sont les mêmes d'ici au plus lointain des archipels. Il ne s'agit pas d'aimer chaque personne que l'on croise, mais d'unir les consciences pour éviter que l'on nous écrase. Une chanson à elle seule ne peut rien contre Babylone, mais peut unifier un public pour qu'il ne soit qu'un seul homme. Raise up if you want a liberation. C'est le Irie Team qui arrive avec sa vibration. Il faut sauver la nature, c'est-à-dire nous sauver nous-mêmes. Tous sur la même route, nous irons là où ça nous gêne. Oui, nous sommes tous sur la même route. Tous, oui, nous sommes tous sur la même route. Tous, oui, nous sommes tous sur la même route. Tous, oui, nous sommes tous sur la même route. Toi et moi sommes engagés dans le même combat. Nous chantons l'unité, ensemble on y arrivera. Le reggae il y a 40 ans est devenu la musique des Rasta. Pas besoin de locks si tu l'es au fond de toi. Nous concourons des dreadlocks, mais cela ne signifie pas qu'il y a en face de toi la sagesse sans la personne qui les a nique. Qu'elle s'arrache toute la journée à fumer la ganja. Elles sont signe de l'engagement pour la paix, la justice, crois-moi. A ultime comme again. De cela que les sons se bat en tant que freedom fighter pour que nous soit nos droits. Que les assises, les icônes ne parlent plus que d'une seule voix. Dans les concerts, regarde autour de toi. Certains n'ont pas ton âge, beaucoup ne se ressemblent pas. Pourtant ça semble comme dans les manifs anti-FN, tu vois. Que tu sois rappeur, punk, rocker ou rasta, tous sur la même loose de Babylone, on ne veut pas. Tous, oui nous sommes tous sur la même route. Tous, oui nous sommes tous sur la même route. Tous, oui nous sommes tous sur la même route. Mais pas s'établir n'importe où. Et que la paix, il faut l'appeler. Elle ne vient pas d'elle-même à nous. Ni ignorant, ni aveugle, vous le voyez. Ça explose partout, oh, oh, oh. Les hommes s'entretuent en Irlande, en Espagne, au Moyen-Orient, en Côte d'Ivoire, en Algérie. Et maintenant Bush est en Irak pour y refaire plus de victimes qu'avant. Poutine traque le Tchétchène et on le laisse faire tranquillement. Tous sur la même route, je le chante à ceux qui nous rejoignent dans les cris que l'on pousse. Pour que tous, sur cette même route, allons à la rescousse de ceux qui croient qu'un jour on s'essouffle. On ne s'essouffle pas même si on manque d'oxygène. On a ces mes solidaires pour faire face au système. Nous le savons, beaucoup d'entre vous ont la flemme. Si notre vaille t'emporte, tu es dans le combat que l'on